Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Comment composer son menu pour soi et pour sa famille, pour ses petits? Avec 23 souris, on fait un bon plat de résistance. Surtout ne pas encourager la destruction des nuisibles, car qui est nuisible? Tous les prédateurs ont leur rôle utile. Voici le troisième volet d'une série proposée par Nicolas Strotsky, l'alimentation chez les animaux, les habitudes alimentaires, souvent modifiées par l'homme. Première diffusion sur France Culture, le 17 mai 1975. La série s'intitule « Mes amis, les loups ». Farley Mowat, biologiste et zoologue, a été chargé par les autorités canadiennes d'étudier le comportement des loups afin de déterminer leur degré de nuisance en vue d'une destruction éventuelle. Ces animaux passent pour être sanguinaires et tueurs de caribous dont le nombre diminue dangereusement. Seul, dans la région de Barents, au nord-est du Canada, Farley Mowat observe avec l'aide de deux Esquimaux, Mike et Otek. Il découvre que les loups sont tout à fait différents de la réputation qui leur est faite. Le récit, tendre et ironique, de Farley Mowat, interprété par Michel Galabru, est tiré du livre « Mes amis les loups », publié par Artaud. Ensuite, le professeur Rémi Chauvin élargit le débat et parle du comportement animal en général. Après avoir fait connaissance de notre famille de loups, composée d'Angelina, de ses louveteaux, de Georges le père et de l'oncle Albert, nous allons apprendre aujourd'hui de quoi ils se nourrissent. Après quelques semaines d'observation, il me sembla bien que j'étais toujours aussi éloigné de la solution du problème important, savoir de quoi les loups vivaient. C'était un problème vital car la seule et unique raison de mon expédition était de le résoudre d'une façon satisfaisante pour mes employeurs. Les caribous sont les seuls grands herbivores que l'on trouve en assez grand nombre dans les Barents Land de l'Arctique. Ils étaient jadis aussi nombreux que les bisons de la Grande Prairie, mais ils avaient diminué dans des proportions catastrophiques au cours des 3 ou 4 décennies qui précédèrent mon voyage dans les Barents. Les témoignages obtenus par diverses agences gouvernementales et émanant de chasseurs, trappeurs et commerçants semblaient prouver que le plongeon des caribous vers l'extinction de la race était principalement dû à l'action prédatrice des loups. En conséquence, pour les politiciens savants qui m'employaient, le pari semblait gagné d'avance. Une étude des rapports entre les loups et les caribous dans les Barents devrait apporter des preuves indiscutables de nature à condamner les loups partout où on les trouverait. On aurait une excuse plus que suffisante pour faire adopter une campagne générale en vue de leur destruction. Je fis mon devoir, mais bien que j'eusse cherché avec diligence les preuves qui eussent plu à mes supérieurs, jusqu'alors je n'en avais trouvé aucune. Il ne semblait pas que cela dût changer. Vers la fin de juin, les dernières hardes de caribous migrateurs avaient dépassé Wolf Hoose Bay et se dirigeaient vers les hautes terres à quelque 200 ou 300 miles dans le nord où elles passeraient l'été. Quoique mes loups dussent manger durant ces longs mois, quoi qu'ils donnassent à leurs louveteaux, ce ne serait certainement pas du filet de caribous pour la bonne raison que les caribous étaient partis. Mais si ce n'était pas du caribou, alors quoi d'autre? J'envisageais toutes les autres possibilités imaginables, mais il semblait bien qu'il n'y avait aucune source de nourriture capable de satisfaire l'appétit de 3 loups adultes et de 4 louveteaux. À part moi, et cette pensée me revint à diverses reprises, il n'y avait aucun animal dans la région qui constituât une proie digne d'un loup. Il y avait des lièvres polaires, mais ils étaient rares et si rapides qu'un loup ne pouvait espérer en attraper un, à moins d'une chance extraordinaire. Les perdrix des neiges et autres oiseaux étaient nombreux, mais ils pouvaient voler, et les loups n'ont pas d'ailes. Les truites, les perches et les tanches peuplaient lacs et rivières, mais les loups ne sont pas des loutres. Les jours passaient et le mystère s'approfondissait. Comme pour rendre le problème encore plus difficile à élucider, les loups paraissaient raisonnablement nourris, comme s'ils avaient voulu me rendre fou. Les deux loups mâles qui partaient chaque nuit à la chasse et revenaient le lendemain matin ne semblaient jamais rapporter quoi que ce fût au logis. Autant que je puisse en juger, ils avaient tous l'air de subsister avec un régime d'amour et d'eau claire. Vers cette époque, je commençais à avoir des ennuis avec les souris. Les vastes étendues de marais et de terrains spongieux, recouverts de mousse et de lichens, offraient un milieu idéal à diverses espèces de petits rongeurs qui pouvaient creuser des terriers et construire des nids à cœur joie dans un matelas de mousse tout naturellement préparé. Ils avaient aussi d'autres activités et ils devaient s'y livrer plus fréquemment car fin juin, début juillet, le pays sembla soudain recouvert de bestioles. L'espèce la plus nombreuse était celle des lemminks, célèbres en littérature par leurs instincts suicidaires, mais que l'on devrait surtout chanter pour leur incroyable faculté de reproduction. Les souris à dos rouge et les souris de prairie commencèrent à envahir la cabane de Mike. Elles étaient si nombreuses que je me demandais si c'était pas moi qui allais mourir de faim, si j'étais pas capable de contrer leur appétit pour mes provisions. Elles ne dédaignaient pas mon pain, non plus que mon lit, où je me réveillais un jour pour découvrir 7 bébés souris pondus par leur mère dans l'oreiller de mon sac de couchage. J'avais été endoctriné si complètement et de façon si erronée à propos des loups que je mis très longtemps à comprendre que leur bon état physique pouvait très bien provenir de la consommation d'autres gibiers que ceux apparemment dignes de leur réputation et de leur capacité. L'idée de loups non seulement mangeant mais prospérant et élevant leur famille grâce à un régime à base de souris était si opposée au caractère mythique du loup qu'il semblait ridicule de la prendre en considération. C'était pourtant la réponse à mon problème et c'est ainsi que les loups remplissaient leur quart de manger. Angelina me le fit toucher du doigt. Un jour, tard dans l'après-midi, tandis que les mâles se reposaient pour se préparer à leur tâche nocturne, elle sortit de la tanière et alla tirailler les poils de l'oncle Albert jusqu'à ce qu'il se lève en bâillant. Ensuite, elle partit en trottinant et vint directement vers moi à travers un marais herbeux, laissant à Albert le soin de s'occuper des louveteaux du mieux qu'il pourrait. Il n'y avait rien de nouveau dans tout cela. Je l'avais souvent vu réquisitionner Albert, ou plus rarement Georges, pour jouer les bonnes d'enfant. Je croyais alors, et je me trompais, qu'elle allait boire ou simplement se dégourdir les jambes. Habituellement, ses pérégrinations l'amenaient à l'extrémité de la baie la plus éloignée de ma tente, où elle m'était cachée par une crête de sable. Cette fois-ci, elle vint de mon côté. Je sortis mon télescope pour ne pas la perdre de vue. Elle alla d'abord jusqu'au rivage rocheux, puis elle avança dans l'eau jusqu'aux épaules et but longuement. À ce moment, un petit vol de canards passa au-dessus de la baie et vint se poser sur l'eau à une centaine de mètres d'Angelina. Elle leva la tête et les considéra pendant un instant. Ensuite, elle revint à la rive et commença de se comporter de façon absolument démente. Pleurant comme un chiot, elle se mit à courir après sa queue, à se rouler parmi des rochers, à se coucher sur le dos en agitant furieusement les 4 pattes en l'air et, en général, à agir comme si elle avait complètement perdu l'esprit. Je tournai mes jumelles vers Albert qui était assis au milieu d'un tas de louveteaux. Je voulais savoir s'il avait aperçu lui aussi cette folle représentation et quelle était sa réaction. Il l'avait parfaitement vue et il épiait Angelina avec un vif intérêt, mais sans la moindre trace d'inquiétude. Angelina paraissait atteinte d'une véritable folie furieuse. Elle sautait en l'air, mordait le vide et poussait des cris perçants. C'est un spectacle effrayant. Je m'aperçus qu'Albert et moi n'étions pas les seuls à être fascinés. Les canards paraissaient hypnotisés. Ils étaient si intéressés qu'ils nagèrent vers la rive pour mieux contempler cette apparition. Plus ils approchaient, plus ils tendaient le cou, plus ils coinquaient entre eux et plus ils avançaient, plus le comportement d'Angelina devenait délirant. Quand le canard de tête ne fut plus qu'à 4 ou 5 mètres du rivage, Angelina fit un bond prodigieux dans sa direction. Il y eut un grand jaillissement d'eau, des bruits d'ailes agitées de panique et tous les canards s'envolèrent. Angelina venait de rater son dîner de quelques centimètres. Cet incident m'ouvrit les yeux car il suggérait une diversité dans les moyens d'attraper de la nourriture que j'aurais eu quelque peine à attribuer à un être humain, donc à plus forte raison à un loup. Mais Angelina me révéla très vite que charmer les canards n'était qu'une activité secondaire pour elle. Après s'être séché en une série de secousses énergiques qui l'enveloppèrent d'un nuage de gouttelettes bleues, elle s'engagea de nouveau sur le marais herbu. Mais ses mouvements étaient tout différents de ce qu'ils avaient été lorsqu'elle se dirigeait vers la baie. Angelina était d'une taille respectable, mais elle s'étirait de telle façon qu'elle paraissait se déplacer sur la pointe de ses griffes. Elle allongeait le cou comme un chameau, et elle avait l'air d'avoir grandi de plusieurs pouces. Elle se mit à se déplacer avec une infinie lenteur dans l'herbe en remontant au vent. J'avais l'impression que ses oreilles dressées entendaient le moindre bruit et je voyais son nez frémir comme si elle flairait la brise en y cherchant l'odeur la plus éphémère. Soudain, elle bondit. Elle se lança des quatre pattes comme un cheval de rodéo, essayant de désarçonner son cavalier, et elle retomba, les deux pattes de devant jointes fortement devant elle. Aussitôt, sa tête s'abaissa, elle attrapa quelque chose qu'elle avala, puis elle recommença son étrange balai à travers les marais. 6 fois en 10 minutes, je lui vis faire le même bond, et 6 fois, elle avala un gibier que je ne pus même pas apercevoir. La 7e fois, elle manqua son but. Elle se mit à tourner en rond frénétiquement, puis à mordre une touffe d'herbe cotonneuse. Cette fois, lorsqu'elle releva la tête, je pus voir, sans erreur possible, la queue et l'arrière-train d'une souris qui gigotait dans sa gueule. Elle n'en fit qu'une bouchée. Bien que le spectacle d'un des plus redoutables carnivores du continent américain en train de chasser une souris fût distrayant, je ne le pris pas très au sérieux au premier abord. Je me dis qu'Angelina était tout simplement en train de s'amuser, qu'elle grignotait, comme dans les cocktails. Mais lorsqu'elle eut dévoré 23 souris, je commençais à m'étonner. Les souris sont petites, mais 23 souris font un plat de résistance, même pour une louve. Ce ne fut que plus tard, en considérant que 2 et 2 font 4, que je parvins à accepter l'évidence. Les loups de Wolf Hoose Bay, et par extension au moins tous ceux des Barentslands, qui élèvent leur famille à une époque autre que la transhumance estivale des caribous, vivaient pour une large part, sinon entièrement, de la chasse aux souris. Un seul point restait obscur. C'était la façon dont ils transportaient leur proie jusqu'à la tanière. Une nuit entière de chasse devait se chiffrer par un nombre considérable de bestioles. Je ne parvins pas à résoudre ce problème avant d'avoir fait la connaissance d'un ami de Mike. C'était un garçon nommé Ho-Tek qui devint un de mes copains. C'était un naturaliste de premier ordre, quoique sans diplôme, et il m'expliqua le mystère. Comme il était impossible aux loups de rapporter les souris à la maison extérieurement, il les transportait intérieurement, c'est-à-dire dans leur estomac. J'avais déjà remarqué qu'au retour de la chasse, Georges et Albert allaient directement à la tanière et pénétraient à l'intérieur, mais je n'avais pas imaginé qu'ils régurgitaient les rations du jour déjà partiellement digérées. plus tard, au cours de l'été, quand les louveteaux abandonnèrent la tanière de l'escarpement, je vis à plusieurs reprises l'un des loups adultes régurgiter de la nourriture à leur intention. En tout cas, si je n'avais pas su ce qu'ils faisaient, j'aurais probablement mal interprété leur action et je n'aurais pas été informé sur la manière dont ils rapportaient leur proie à la tanière. Le problème de l'alimentation des animaux est extrêmement intéressant parce qu'en fin de compte, chaque espèce animale fait partie d'un maillon dans la chaîne alimentaire. Oui, c'est très compliqué. Dans beaucoup de cas, ce n'est pas encore débrouillé. C'est un des objets de l'écologie ou de l'écologie éthologique, comme on dit, d'essayer de débrouiller ces particularités alimentaires. Alors, classiquement, vous avez les herbivores et les herbivores qui sont dévorés par des prédateurs de différents ordres, n'est-ce pas ? Et alors, pendant un long moment, on a considéré naïvement, c'est surtout les chasseurs qui ont considéré cela, que les prédateurs leur faisaient une concurrence indue. C'est pourquoi il y a des campagnes ici en France, campagnes complètement imbéciles, n'est-ce pas, instituées par je ne sais quels idiots ignorant tout de l'écologie, qui tendent à ce qu'il appelle la destruction des nuisibles. La destruction des nuisibles est poursuivie avec une détermination digne d'une meilleure cause par toute une série d'agents forestiers hausses qui connaissent rien de rien à ce qu'ils font. Je passe sur les renards. Les renards, nous avons des ennuis à cause de la propagation de la rage. Mais bien avant cette histoire de rage, on poursuivait les renards avec un soin excessif, sans penser que l'expérience a déjà été faite. Elle a déjà été faite en Afrique, où pour que les riches Européens qui organisaient des safaris puissent tuer beaucoup d'antilopes, on avait imaginé dans je ne sais plus quel canton d'Afrique de tuer tous les lions. Et alors, qu'ont fait les antilopes ? Elles sont multipliées. Comme on s'y attendait d'ailleurs. Elles sont multipliées désastreusement. Elles ont dévasté littéralement tous les pâturages. Ensuite, elles ont attrapé une épizootie qui en a détruit les trois quarts. Et le troupeau d'antilopes a été excessivement long à se refaire. On s'est aperçu à la suite de cela, puis à la suite d'autres expériences également malheureuses, que dans le fond, les prédateurs mangeaient les malades, les faibles et les vieux. Ils avaient un rôle sanitaire. Et un rôle sanitaire qui semblait absolument indispensable. En France, la manie que nous avons de détruire les nuisibles finira par aboutir à des catastrophes de ce genre-là. C'est moins visible parce que nous sommes un pays civilisé, où il y a toute une série d'actions freinatrices qui s'exercent et qui ne laissent pas la nature expliciter ses lois comme elle le fait en Afrique, mais néanmoins cela risque d'arriver. Oui, d'ailleurs, de toute façon, on importe des animaux lorsqu'un peuplement diminue, que ce soit de faisans ou de perdrix ou d'autres choses. C'est ça. On importe ou on produit. Oh ben, dans ma région, à peu près tous les faisans, que dis-je à peu près tous les faisans, proviennent d'élevage, n'est-ce pas, et sont lâchés peu avant l'ouverture de la chasse. Ils sont l'objet de la part des chasseurs d'un véritable massacre. Ça n'est plus de la chasse. Les pauvres bêtes connaissent l'homme et n'en ont même pas peur. Alors on en est là, c'est-à-dire une nature complètement artificialisée. Alors pour en revenir au loup, on s'est aperçu qu'il mangeait autre chose que des caribous. Est-ce que l'alimentation de tous les animaux est bien connue ? Parce qu'en fin de compte, c'est un peu une surprise. C'est quand même assez bien connu. On connaît assez bien le régime du lion, par exemple. On sait à peu près ce qu'il mange. Dans le cas des singes, ce n'était pas si bien connu que cela. Et par exemple, on a découvert il y a très peu de temps que les chimpanzés étaient carnivores, n'est-ce pas ? Les chimpanzés organisent des battues exactement comme les loups et ils cherchent à attraper d'autres petits singes qu'on appelle les colobes, qui sont beaucoup plus petits et beaucoup moins forts qu'un chimpanzé. Pour les macaques, qui ont été parfaitement bien étudiés à la suite des études japonaises dont je vous ai déjà dit quelques mots, nous sommes encore mieux renseignés. Alors c'est très curieux. Ce sont des animaux qui sont tout de même spécialement végétariens. Mais chaque bande de macaques, les Japonais ont étudié plusieurs bandes, vous savez, je rappelle qu'il s'agit de bandes en liberté, attention. Hein. Chaque bande semble avoir son régime alimentaire particulier qui dépend des préférences du chef. Par exemple, une des bandes ne mangeait pas des patates douces. Et l'autre les mangeait. Ces bandes étaient séparées par une distance de 2 km. C'était visiblement des macaques de la même espèce, bien entendu, n'est-ce pas ? Et il fallait qu'il y ait un facteur que j'appellerais psychologique, si vous voulez, pour expliquer une telle différence. Il y a une mode, en quelque sorte, il y a ni plus ni moins qu'une mode. Et alors, à ce propos, il y a une anecdote tout à fait curieuse. Enfin, ce n'est pas une anecdote, c'est une observation scientifique. Ces singes ont horreur des morceaux de rochers, de gravier ou des petits grains de sable qui peuvent être mélangés à leur nourriture. Alors, ils épluchent soigneusement la nourriture. Et on leur avait donné des patates douces et ils ont pris l'habitude de les laver avant de les manger. Et il y avait un vieux plateau de bois qui traînait par terre. Ils ont pris le plateau, une guenon, on sait exactement laquelle, a pris le plateau à un certain moment, elle a posé la patate dedans et l'a lavé ainsi plus commodément. C'est une véritable invention qui a été ensuite adoptée par toute la troupe. On se battait pour avoir le plateau, il était admis qu'un macaque conscient et organisé ne saurait laver des patates douces autrement que dans un plateau. Et alors la même guenon a fait une autre invention du point de vue alimentaire. Les Japonais avaient laissé traîner un sac de blé sur le rivage. Ben, il était crevé et les grains étaient mélangés à des grains de sable, naturellement. Et les macaques s'amusaient à prendre chaque grain et à l'essuyer pour en séparer les grains de sable. C'est plutôt laborieux. Alors la guenon a pris une poignée de grains souillés de sable et est allée les tremper dans la mer qui était à côté. Bien, naturellement, le sable s'est détaché et a coulé et les grains ont surnagé. Elle n'a eu qu'à mettre les mains dessous et à récolter des grains propres et salés par-dessus le marché. Eh bien, cette habitude a été également adoptée par les autres singes. Il s'agit, attention, d'une véritable invention. Elle a lancé une technique. À la suite de ça, les Japonais sont mis à étudier ce qu'ils appellent l'acculturation, c'est-à-dire l'acquisition de nouvelles habitudes alimentaires. Ils ont offert aux macaques des nourritures variées, des bonbons par exemple, et ils ont étudié quand on les prend, qui les prend et comment la nouvelle habitude se répand dans la troupe. Or, c'est très curieux, généralement, ça passe par les enfants. Les enfants qui touchent à tout, comme chez les enfants humains, ils voient des bonbons, ils les mangent, leur mère essaie d'abord de leur enlever ça de la bouche et de les jeter. Puis les gosses s'obstinent, ils finissent par en manger, leur mère est attirée par la curiosité, il goûte à son tour, le recrache au début, puis finit quand même par le prendre. Alors, peu à peu, l'habitude se répand dans toute la troupe. Mais ça peut mettre 2 ans. Si par contre, la nouvelle habitude alimentaire a été prise par un animal d'un assez haut rang, alors la nouvelle habitude peut ne mettre que 1 mois ou 2 à être acquise par toute la troupe. On n'imite que les gens socialement bien, les gens de poids, et on n'imite pas les gens de peu. Chez les macaques, j'allais dire chez les hommes, mais chez les macaques, c'est un peu la même chose. Mais on raconte que dans les parcs américains, par exemple celui de Yellowstone, les habitudes alimentaires ont été complètement modifiées en raison de la présence humaine. Les ours, par exemple, vivent maintenant en grande partie sur les tas de détritus de boîtes de conserve à moitié consommées et il y a eu une véritable perturbation de leur mode de vie normal. Eh bien, l'instinct qui est beaucoup moins rigide qu'on ne croyait jadis, et il y a en effet des changements d'alimentation considérables. Je l'ai vu à Montréal, par exemple, où les boîtes à ordures sont parasitées par des jolis petits écureuils gris complètement apprivoisés qui habitent le parc voisin. Lorsque les boueux viennent enlever les poubelles et qu'ils soulèvent le couvercle, il y a une gerbe d'écureuils qui jaillissent dans tous les sens, n'est-ce pas? Or, il est bien certain qu'avant, cette acculturation au milieu humain mangeait autre chose. Les ratons laveurs se sont habitués également, paraît-il, à parasiter l'homme et ils trouvent que c'est beaucoup moins fatigant de chercher la nourriture dans ses ordures que de la chercher péniblement dans la forêt. Et ça va très vite. Et chez nous, est-ce que ça se passe aussi comme cela? Est-ce que nous avons une modification des habitudes des animaux? Il y a chez l'homme des tabous alimentaires qui sont au moins aussi rigides que chez les plus rigides de tous les animaux. Dans cette région où nous sommes actuellement, qui porte le nom de Beauce Pouilleuse, un nom peu flatteur qui fait allusion à la pauvreté de la terre. Je me souviens avoir rencontré des paysans il y a 20 ans qui se refusaient obstinément à goûter à un plat dont ils n'avaient pas l'habitude, comme s'il était empoisonné. Je m'en souviens parfaitement. Maintenant, tout cela est fini. Comme je ne sais plus quel auteur a dit, nous sortons du néolithique. à cause de la télévision, à cause de l'intensification des transports. Est-ce que les renards, par exemple, ou d'autres animaux, ont aussi des habitudes comparables à celles du loup? Parce qu'on imaginait toujours le renard prédateur et se nourrissant sur les poulets, les lapins, alors qu'en réalité, il doit consommer autre chose. Il mange ce qu'il trouve, vous savez. Il mange ce qu'il trouve. On s'est aperçu, par exemple, que les cerfs aimaient beaucoup les grenouilles, qui s'arrangeaient pour les attraper. Ils mangent souvent beaucoup de grenouilles. Les renards en mangent également. Et lorsque la faim leur tenaille des entrailles, ils sont bien forcés de chercher autre chose que des poulets. Dans le livre dont nous parlons, on cite un cas où les loups poursuivent activement des souris. Et lorsqu'il y a beaucoup de souris, c'est un régime qui peut peut-être convenir à l'estomac d'un loup. Or, il n'est pas du tout vrai que le loup ne se sert que de grosses pièces pour se nourrir comme les caribous, n'est-ce pas? Il en serait peut-être très heureux, mais il ne peut pas. Par contre, des animaux comme les lions ou les tigres paraissent bien ne se nourrir que de gros gibier, tout de même. Mais parce que ce gibier est à leur portée. Et puis parce qu'il leur en faut beaucoup, il en faut énormément. Des grosses bêtes comme cela, n'est-ce pas? Ils doivent manger énormément pour arriver à se tenir en vie. Et il faut donc que la nourriture soit concentrée et forme une grosse masse. C'est peut-être pour ça, tout simplement. Est-ce qu'il y a d'autres exemples que l'on pourrait citer de perturbations de cette chaîne alimentaire du fait de l'intrusion de l'homme? Les perturbations ont été extrêmement multiples, mais très souvent, elles se font, et surtout les perturbations plus graves se sont faites par l'introduction d'animaux nouveaux dans un milieu étranger. N'est-ce pas? Je ne cite que pour mémoire les lapins d'Australie. Vous savez tout ce qui est arrivé. C'est absolument effarant. Et avant l'introduction de la myxomatose en Australie, le lapin dévastait littéralement l'Australie. Mais la chaîne alimentaire avait été complètement troublée parce que l'animal qui était nouvellement introduit n'avait pas de prédateur ni de maladie dans la nouvelle région où il était, en Australie, si bien qu'aucun des freins naturels n'existait, voyez-vous, c'est peut-être pour ça. Il y a eu un autre cas, c'est l'introduction des moineaux au Canada, qui sont un fléau absolument effroyable. Ils se sont multipliés parce que le frein nécessaire, le frein des prédateurs, et peut-être des maladies aussi, était desserré. Alors dans ce cas-là, il arrive rigoureusement n'importe quoi. Mais enfin, des perturbations du milieu alimentaire peuvent se produire aussi par la mise en culture de zones qui, jusqu'à présent, étaient recouvertes de forêts. Alors évidemment, cela provoque des modifications hallucinantes dans les équilibres naturels, n'est-ce pas ? C'est vrai, je crois, notamment aussi du développement des troupeaux en Afrique, notamment les troupeaux des peules, qui chassent petit à petit de la forêt et de la savane les animaux sauvages qui y vivaient. Eh bien, oui, parce que ces troupeaux sont absolument gigantesques. Ils sont conduits d'une manière extrêmement opérationnelle. Ils dévastent complètement le couvert végétal, n'est-ce pas ? Et puis, en plus, il y a la pratique des feux de brousse. Ils mettent le feu sur des centaines de kilomètres parce que, à la suite du feu de brousse, ils poussent une petite herbe très tendre et bonne pour les troupeaux. Mais c'est ainsi que l'Afrique a été complètement dévastée par l'homme. Alors, ils ont modifié de proche en proche, naturellement, toute la faune, toute la flore et toutes les chaînes alimentaires. Dans tout ce système, il faut donc conserver les prédateurs. Je crois que vous ne trouverez pas un écologiste actuellement pour soutenir le contraire. Tout le monde est d'accord là-dessus. Les prédateurs ont un rôle d'hygiène absolument indispensable. Tous les prédateurs. Toute intervention humaine perturbe incontestablement toute une série d'équilibres extrêmement subtil, et Dieu sait ce qui peut arriver. Et ensuite, lorsqu'on veut rétablir l'équilibre, il arrive quelquefois des catastrophes pires que les premières. Bien, les exemples bien connus, c'est ceux des insectes nuisibles qui ont été introduits sur les plantes et qui ont produit des catastrophes considérables, comme le doryphore, comme le phylloxéra, enfin, tout le monde a entendu parler de ça, n'est-ce pas? Mais, en plus, lorsqu'on veut rétablir un équilibre naturel à notre profit en utilisant par exemple les insecticides, vous savez bien ce qui arrive, n'est-ce pas ? Il arrive que des doses de plus en plus fortes doivent être employées, des insectes deviennent résistants, bref, cet équilibre n'arrive plus à se rétablir. Et le problème des chaînes alimentaires et de l'équilibre écologique est à l'ordre du jour de nos préoccupations parce que nous savons maintenant qu'il est délicat et nous savons maintenant que la nature peut mourir. C'était Mes Amis les Loups, troisième émission d'une série de 6 proposée par Nicolas Strotsky, qui recevait Rémi Chauvin, professeur à la Faculté des sciences de Nancy. L'alimentation chez les animaux, les habitudes alimentaires, souvent modifiées par l'homme. Texte de Farley Mowat, lu par Michel Galabru. Réalisation Colette Chemama, première diffusion sur France Culture le 17 mai 1975. Prochain rendez-vous, le rôle sanitaire des prédateurs. Vous pourrez réécouter cette émission en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.